Section 4. Le septième commandement. Que nous défend le septième commandement « Tu ne voleras pas » ? Le septième commandement « Tu ne voleras pas » nous défend de prendre ou de retenir le bien d'autrui injustement et de faire tort au prochain en ses biens, de quelque manière que ce soit. Qu'est-ce que voler ? Voler, c'est prendre injustement le bien d'autrui contre la volonté de son maître, dans le cas où celui-ci a pleine raison et droit absolu de n'en vouloir pas être privé. Pourquoi le vol est-il défendu ? Parce que, par le vol, on pèche contre la justice et on fait injure au prochain en prenant et retenant contre son droit et sa volonté ce qui lui appartient. Qu'est-ce que le bien d'autrui ? Le bien d'autrui est tout ce qui appartient au prochain, qu'il en ait la propriété ou l'usage ou qu'il laisse simplement le dépôt. De combien de manières prend-on injustement le bien d'autrui ? De deux manières, par le vol et par la rapine. Comment se commet le vol ? Le vol se commet quand on prend le bien d'autrui en se cachant. Comment se commet la rapine ? La rapine se commet quand on prend avec violence et ouvertement le bien d'autrui. Dans quel cas peut-on prendre le bien d'autrui sans faire de péché ? Quand le maître n'est pas opposé ou que son opposition est injuste, ce qui arriverait si quelqu'un était dans l'extrême nécessité, pourvu qu'il prie seulement ce qui lui est strictement nécessaire pour subvenir à son besoin urgent et extrême. Ne peut-on faire tort au prochain dans ses biens que par le vol et la rapine ? On lui fait tort encore par la fraude, par l'usure et par toute autre injustice que l'on commet contre ses biens. Comment se commet la fraude ? Il y a fraude quand on trompe le prochain dans le commerce par de faux poids, de fausses mesures, de la fausse monnaie et de mauvaises marchandises, quand on falsifie les écritures et les papiers, en un mot toutes les fois qu'on induit en erreur dans les ventes, les achats et tout autre contrat, et aussi quand on ne veut pas donner le juste prix et le prix convenu. En quoi consiste l'usure ? L'usure consiste à exiger sans titre légitime un intérêt illicite pour une somme prêtée, en abusant du besoin et de l'ignorance d'autrui. Quelles autres injustices commet-on contre le bien du prochain ? Ce sont des injustices que de lui faire perdre injustement ce qu'il a, de lui faire tort dans ses possessions, de ne pas travailler comme on le doit, de ne pas payer par malice des dettes ou des marchandises achetées, de frapper ou de tuer les animaux qui lui appartiennent, d'endommager ou laisser endommager ce qu'on a en garde, d'empêcher quelqu'un de faire un juste bénéfice, de tenir la main au voleur, de recevoir, cacher ou acheter des choses volées. Est-ce un péché grave que de voler ? C'est un péché grave contre la justice quand il s'agit d'une matière grave, car il est très important que le droit de chacun sur son bien propre soit respecté, et cela pour le bien des individus, des familles et de la société. Quand est-ce que la matière du vol est grave ? Elle est grave lorsqu'on prend une chose importante, et aussi lorsque, bien qu'on prenne une chose de peu de valeur, le prochain en souffre un grave dommage. Que nous ordonne le septième commandement ? Le septième commandement nous ordonne de respecter le bien d'autrui, de donner le juste salaire aux ouvriers et d'observer la justice en tout ce qui concerne la propriété d'autrui. Pour celui qui a péché contre le septième commandement, suffit-il qu'il se confesse ? Pour celui qui a péché contre le septième commandement, la confession ne suffit pas. Il faut qu'il fasse son possible pour restituer le bien d'autrui et réparer les dommages causés. Qu'est-ce que la réparation des dommages causés ? La réparation des dommages causés est la compensation qu'on doit donner au prochain pour les fruits et les bénéfices perdus à cause du vol et des autres injustices commises à son détriment. À qui doit-on restituer le bien volé ? À celui qui a été volé, à ses héritiers s'il est mort, et si c'est vraiment impossible, on doit en donner la valeur au profit des pauvres et des œuvres pieuses. Que doit-on faire quand on trouve une chose de grande valeur ? On doit apporter un grand empressement à en trouver le maître et la lui restituer fidèlement. Section 5, le huitième commandement. Que nous défend le huitième commandement ? Tu ne diras pas de faux témoignage. Le huitième commandement, tu ne diras pas de faux témoignage, nous défend de déposer faussement en justice. Il nous défend encore la diffamation ou médisance, la calomnie, la flatterie, le jugement et le soupçon téméraire et toutes sortes de mensonges. Qu'est-ce que la diffamation ou médisance ? La diffamation ou médisance est un péché qui consiste à manifester, sans un juste motif, les péchés et les défauts d'autrui. Qu'est-ce que la calomnie ? La calomnie est un péché qui consiste à attribuer méchamment au prochain des fautes et des défauts qu'il n'a pas. Qu'est-ce que la flatterie ? La flatterie est un péché qui consiste à tromper quelqu'un, en disant faussement du bien de lui ou d'un autre,